Je veux réveiller le punk qui est en moi. Réveiller le stupide, stupide punk. Punk, je veux réveiller le punk qui est en moi. Fais péter le cupon, paye ton punk, fais péter le punk. Romuald, la Nina John française. Je veux réveiller le punk qui est en moi. Fais péter le junkie. Ce soir j'en ai marre d'être funky. Je dis gentil à l'acide, gerbe et juste avant le concert. Monter sur scène tous les vides. Même si je dois faire en jeu, pour mes fistons, je kifferai toujours une guitare disto. J'essaierai en terre dans l'âme jusqu'à ce que je classe. J'ai brûlé mes verrues, mais jamais j'ai brûlé mes vieux amants des verrues. Fiche en suis trop féru, tu te planteras. Je préfère le prototype de j'en ferai. Adhéra à la philosophie de l'ivrogne notoire qui souvent utilisa le trottoir comme dortoir. Mon ossature sature de toute solitude. Laisse ses poils se tuer si je continue. Ce sera le futur. J'ai ramasse, arrête de forcer. Disent les mecs alors je suis en train de vider mon bidon bidé. Mec, tu veux un groupe rebelle? Moi je suis archi en direct, t'es pas en duplex. Juste ta complexe. Je sens claque dans tes dents, serré comme les rangs du triplex. Je m'en fous, sauf que dans le cul-con. Je ne vivrai jamais comme quiconque, car j'ai réveillé le pont. Fuck!